Question 30. Lorsque la chaussée est mouillée, la distance de freinage est allongée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le temps de réaction augmente. Oui, réponse C. Non, réponse D.